Chapitre 3e. Après un mois d'anxiété, Madame de Frémeuse reçut de son fils une lettre datée de Hambourg. Il était bien remis de sa blessure, qui n'avait été qu'une légère blessure à la tête, mais il paraissait du reste accablé sous le double poids de sa douleur patriotique et de son deuil amical. Il s'informait affectueusement de Madame de la Pave. Sa mère lui répondit sans beaucoup de détails que Madame de la Pave était exemplaire. Elle s'était enfermée à la campagne, et n'y avait d'autre compagnie que celle de sa tante de Combaleu, ce qui était, suivant Madame de Frémeuse, le comble de la mortification. Dans la correspondance qui suivit entre eux, Maurice fut plus d'une fois tenté de confier à sa mère l'étrange message dont Robert, à son lit de mort, l'avait chargé pour sa veuve. Mais il lui sembla toujours qu'une matière si confidentielle devait être traitée de vive voix et dans le tête-à-tête. Ce message, cependant, dont il s'était à peine souvenu au milieu des fièvres et du tumulte de sa vie militaire, commençait à le préoccuper très sérieusement depuis qu'il était condamné à l'inaction. Il y songeait alors nuit et jour, s'effrayant de plus en plus d'avoir à remplir une ambassade si extraordinaire auprès d'une femme qu'il n'avait pas même vue. Il essayait de se représenter la scène qui se passerait quand il s'acquitterait près d'elle de ce cruel devoir. Il cherchait les mots dont il se servirait. Il se figurait l'air confus et peut-être outragé de la jeune femme. Bref, plus il y pensait, plus la tâche lui paraissait embarrassante et profondément désagréable. À peine rentré en France, après la paix, le commandant de Frémeuse fut incorporé dans l'armée qui combattit la Commune, et ce ne fut que dans les derniers jours de juin 1871 qu'il lui fut possible d'obtenir un congé et d'aller embrasser sa mère. Dans la nouvelle période d'activité qu'il venait de traverser, son esprit s'était naturellement raffermi, mais sans pouvoir se délivrer entièrement du souci de sa pénible mission. Le moment était enfin venu de l'accomplir. Il avait résolu de prendre à ce sujet conseil de sa mère, dont il appréciait justement la sagacité, et le soir même de son arrivée, après les longs épanchements du retour, il lui fit un récit détaillé des derniers instants de M. de la Pave, sans oublier la promesse solennelle que le mourant avait exigée de son amitié. Cette confidence produisit sur la vieille comtesse un effet extraordinaire. Elle en parut pendant quelques minutes comme paralysée, et sa parole, toujours assez abondante, en fut momentanément tarie. Elle joignait les mains avec éclat en regardant le ciel. Maurice, qui s'était attendu à quelques encouragements de sa part, demeurait fort surpris et décontenancé devant une attitude qui lui semblait à peine explicable. « Cela vous paraît bien délicat, ma mère, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Délicat ! » s'écria la vieille dame. « C'est monstrueux ! Comment as-tu pu te charger d'une commission pareille ? C'est monstrueux ! Comment refuser un ami mourant ? Mais il avait le délire, mon enfant ! On n'exécute pas les volontés d'un homme qui a le délire ! Ah ça, j'espère bien que tu n'as pas sérieusement l'intention d'aller troubler l'esprit et tourmenter la conscience de cette jeune femme par une communication si ridicule ! Je vous demande pardon, ma mère. Il est évident qu'une promesse faite dans de pareilles circonstances est absolument sacrée. Je ne peux y manquer. Mais voyons, mon ami, un homme, quel délire! On lui promet tout ce qu'il demande, comme on promet la lune à un enfant. Robert n'avait pas le délire, ma mère, quand il m'a imposé ce devoir. Il était exalté par sa passion, mais parfaitement maître de sa pensée et de sa volonté. Il est mort confiant dans ma parole, et certainement je la tiendrai. Seulement, je vous avoue que la commission m'embarrasse extrêmement, et que j'avais compté sur vos conseils pour m'aider à m'en tirer le mieux possible. Ah, cher enfant, je t'aime bien, mais si tu espères que je me chargerai moi-même de faire ta commission, je te déclare que je n'aurai pas ce cœur-là. Je ne vous demande pas cela, ma mère, je n'y ai jamais songé. Je crois que les paroles, les prières de mon pauvre Robert auront plus d'autorité si elles sont transmises à sa veuve par celui qui les a recueillies de ses lèvres mourantes. Seulement, ce que je vous demande, à vous qui connaissez Madame de la Pave, qui est pour moi tout à fait une étrangère, ce que je vous demande, c'est à quel moment vous me conseillez d'aborder avec elle la question fatale, avec quelles précautions, dans quels termes, et puis aussi comment vous supposez qu'elle accueillera ce message. Elle le trouvera abominable, quelque façon que tu t'y prennes. Ainsi tu peux être tranquille. Non, vraiment, on n'a pas idée de condamner une jeune femme de 23 ans, et une jolie femme qui plus est, Rester veuve jusqu'à la fin de ses jours, c'est barbare, c'est immoral, ça dépasse l'imagination. Ma chère mère, dit Maurice en lui prenant affectueusement les mains et en lui parlant dans les yeux, qu'est-ce qui m'a appris quand j'étais tout petit qu'une parole d'honneur ne se discute pas et que quand on l'a donnée, il faut la tenir ou mourir? Elle l'embrassa. « Tu es un bon fils, » dit-elle avec émotion, « et un brave homme. Je te demande pardon, mais jamais je n'étais aussi contrarié de ma vie. »« Contrarié ?» répéta M. de Frémeuse, tout surpris et la regardant. Elle se troubla et rougit. « Sans doute, » ajouta-t-elle avec embarras, « je me mets à la place de cette jeune femme qui va être très ennuyée et qui va te prendre en grippe par-dessus le marché, sans compter qu'elle ne t'aime déjà pas trop. » Maurice fit un geste de résignation et n'insista pas. Peut-être avait-il entrevu la vérité. La vérité était que sa confidence portait un coup terrible à sa mère en renversant brusquement, comme un château de cartes, l'édifice qu'elle se plaisait à élever dans les nuages, dans des nuages dorés, depuis le jour où elle avait appris la mort de Robert de Lapave. Dès ce jour, en effet, elle avait commencé à machiner dans son cerveau le mariage de son fils avec la très riche veuve et héritière de Robert. Ce mariage lui offrait plusieurs tentations irrésistibles. Elle désirait vivement marier Maurice, et l'on sait combien est dévorante chez les mères cette ardeur matrimoniale. Maurice avait semblé jusque-là peu disposé au mariage, mais elle comptait justement sur le charme exceptionnel de la belle Marianne pour l'y décider. Elle comptait de même sur le mérite exceptionnel de son fils pour éblouir la jeune veuve et pour compenser à ses yeux la différence des fortunes. Le voisinage de campagne était une circonstance également exceptionnelle qui favorisait merveilleusement ses perspectives de mutuelle séduction. Enfin, Madame de Frémeuse, à force de vivre au champ et d'y gérer ses intérêts, avait pris pour la terre le goût ou plutôt la passion du paysan normand. Le domaine de Lapave, qui étalait continuellement devant ses yeux ses immenses herbages, ses labours, ses fermes et ses bois, exerçait sur elle une profonde fascination. Elle avait déjà, à force d'industrie féminine, arrondit passablement sa petite terre de Frémeuse, et ajouté par surcroît le domaine de Lapave, c'était pour elle ajouter le royaume d'Italie au duché de Savoie. C'était un idéal pour lequel la vieille dame jouait sa tête. On comprend avec quel sentiment d'amertume elle avait dû accueillir une révélation qui rompait tout à coup ce rêve délicieux. Que M. de Lapave eût adressé à sa femme en mourant l'injonction suppliante de ne point se remarier et qu'il eût précisément confié ce message à M. de Frémeuse, c'était véritablement un fait qui semblait combiné à dessein pour ruiner de fond en comble ses secrètes espérances. Toutefois, la première stupeur passée, la comtesse, avec la ténacité des naufragés, s'accrocha aux moindres branches et reprit courage. Elle se dit peut-être qu'étant donné la fragilité de la femme et aussi celle de l'homme, il n'était pas impossible qu'un jour ou l'autre, le message fatal ne devînt une lettre morte. Le lendemain de son arrivée, Maurice expédia dès le matin au château de Lapave un domestique avec un billet. Il s'informait de l'heure à laquelle Madame de Lapave voudrait bien le recevoir. Elle répondit sur une de ses cartes qu'elle recevrait M. de Frémeuse à toute heure qui lui conviendrait dans la journée. En conséquence, vers 3 heures de l'après-midi, le jeune homme se mit en marche dans la direction du château de Lapave. Il était fort agité par la pensée de l'entrevue qui se préparait, à l'appréhension trop vraisemblable d'une scène douloureuse et aux soucis graves de sa terrible ambassade, se joignait dans son esprit une curiosité inquiète de connaître et de voir en face la femme qui avait versé des philtres dans les veines de son ami. Il lui avait toujours prêté une influence néfaste sur la destinée de Robert. Il ne l'aimait pas, et il se doutait qu'elle ne l'aimait guère de son côté, comme sa mère du reste le lui avait fait entendre. Tout contribuait en ce moment à surexciter son émotion et à ébranler ses nerfs. Il parcourait les sentiers, les bois, les prairies qu'il avait tant parcourus dans son enfance, et en revoyant à l'âge d'homme, surtout après des épreuves viriles et des douleurs tragiques, ce doux paysage natal, il ressentait une impression profonde, mêlée de tristesse et de charme. Un embranchement du chemin, et près des avenues du château, on voyait une croix de pierre qui, de temps immémorial, servait de but et de terme aux processions de la paroisse le jour de la fête Dieu. Cette fête avait eu lieu précisément la semaine précédente, et la croix était encore cerclée d'une fraîche couronne de buis. Là, dans ce carrefour retiré, s'était passée il y a bien des années une scène qui n'avait pas cessé d'être présente à la mémoire de Maurice. C'était là que Robert de la Pave, dans un élan juvénile et romanesque, l'avait entraîné un soir d'un air de mystère. C'était là que les deux enfants, avec toute l'ardeur et la sincérité de leurs âmes, s'étaient jurés en s'embrassant une amitié éternellement fidèle. En arrivant devant la vieille croix, Maurice hésita, puis s'arrêta. Il s'assit sur une des marches du piédestal, et tous ses souvenirs d'enfance, de jeunesse, d'amitié, de deuil, débordant dans son cœur trop plein, le jeune officier s'attendrit. Le château de la Pave est une belle et originale construction qui paraît datée de la première moitié du XVIIe siècle et qu'on ne rencontre point sans surprise dans un coin perdu du Perche. Il se compose d'un pavillon central et de deux ailes en faible saillie. Le toit est plat à l'italienne et bordé de vases de pierre. Il a très grand air quand on l'aperçoit du milieu de l'avenue principale sur sa terrasse à balustres. Un vaste jardin s'étend derrière l'habitation. Il est disposé à l'ancienne mode française avec de longs berceaux de charmilles, des parterres de broderies et des bordures de buis. On y voyait même encore, il y a 20 ans, et nous espérons qu'on y voit toujours, des ifs taillés non seulement en forme de pyramide et de pions d'échecs, mais en figure de dragons et d'autres bêtes apocalyptiques. Au moment où M. de Frémeuse entrait dans la cour du château, Mme de la Pave et sa tante, Mme de Combaleu, toutes deux vêtues du deuil le plus rigoureux, se promenaient en causant sous une des charmilles du jardin. Si le jeune commandant d'artillerie avait pu entendre leur conversation, la préoccupation que lui causait sa première entrevue avec la veuve de Robert n'en eût certes pas été diminuée. Il est rare qu'une femme aime beaucoup les anciens amis de son mari et qu'elle les laisse volontiers prendre pied dans son ménage. Ce sont des complices de jeunesse suspects, des rivaux d'affection et d'influence qu'elle est plus ou moins jalouse d'écarter. Madame de la Pave, en se mariant, n'avait pas échappé à ses préventions assez générales chez son sexe. Mais chez elle, ces préventions, grossies et redoublées par plusieurs circonstances, avaient atteint, à l'égard de M. de Frémeuse, un degré particulier d'aigreur et de ressentiment. Elle s'est penchée en cet instant même sur ce sujet, dans le sein de Madame de Combaleu, en portant fréquemment à ses narines nacrées son flacon de sel emmailloté dans son mouchoir. « C'est un moment bien pénible, ma tante, » disait-elle. « Je sais que je dois le recevoir, certainement, et même le bien recevoir, car mon mari l'aimait beaucoup, et lui-même est resté l'ami fidèle de Robert jusqu'à sa mort. Je le sais, et je tâcherai de me montrer amical avec lui, comme c'est mon devoir. Mais je ne puis dire combien cela me coûte. Il a toujours été mon ennemi, ma tante. J'ai toujours senti cela, et je vous l'ai dit. J'ai toujours senti qu'il était entre moi et mon mari. J'ai lu ces temps-ci toutes ces lettres à Robert, et dans toutes, j'ai trouvé, sous la politesse de la forme, le soupçon, la défiance, l'antipathie contre moi, la calomnie même, ma tante, car il faisait de moi le mauvais génie de mon mari. C'était moi qui l'accusais d'avoir brisé sa carrière, d'avoir affaibli chez lui le sentiment du devoir et de l'honneur. Oh, j'ai parfaitement compris tout cela, à travers ses périphrases et ses allusions. N'est-ce pas odieux? Et il m'accuse probablement maintenant d'avoir été cause de sa mort. N'est-ce pas dur, ma tante, d'être forcée de faire bon accueil à cet homme-là? C'est très dur, ma chère, dit Madame de Combaleu, et je m'associe du fond du cœur à tous les sentiments, car je déteste avant tout les hypocrites. Mais il faut te dire, mon enfant, que ton ennui ne durera guère, c'est l'affaire de quelques jours. Ce monsieur te fera 2 ou 3 visites, et puis il ira retrouver ses canons, et tu ne le reverras plus de ta vie, si tu le veux. Oui, ma bonne tante, sans doute, mais comme c'est pénible. Leur entretien fut interrompu par l'approche d'un domestique qui venait les avertir que le commandant de Frémeuse était au salon. Madame de la Pave devint très pâle. « Veux-tu que je t'accompagne, ma mignonne ?» demanda Madame de Combaleu. « Non, ma tante, je vous prie, » répondit la jeune femme. Et elle se dirigea de son pied souple vers le château avec un léger balancement de la taille qui faisait songer au mouvement onduleux des cygnes. Arrivée devant la porte du salon, elle s'arrêta et soupira longuement. Puis, avec une sorte de résolution brusque, elle ouvrit la porte. La femme qui apparut alors à M. de Frémeuse ne répondait pas à l'idée de beauté imposante qu'il s'en était faite. Elle lui sembla plutôt jolie et élégante que belle. Elle avait des traits purs et délicats, le teint d'un brun pâle, des cheveux très noirs, sévèrement disposés en bandeau, le cou flexible et charmant. Elle paraissait à première vue plus grande qu'elle n'était, parce qu'elle était faite admirablement. Tous ses membres et toutes ses formes s'accordaient dans cette proportion et cette harmonie achevée qui donne la grâce suprême et qui font de chaque mouvement d'une femme une séduction. À peine entrée, Madame de la Pave, sans répondre au salut profond du commandant, marcha droit à lui, et murmurant une vague exclamation gutturale, elle lui tendit sa main. Il la serra avec force et s'inclina de nouveau. Elle lui montra un siège, s'assit elle-même, et posant son coude sur un guéridon, la tête appuyée contre sa main, « Contez-moi tout, » dit-elle. Monsieur de Frémeuse commença alors, de sa voix grave et douce, le récit de la journée où Robert avait été frappé mortellement. Il entra dans quelques développements sur le combat d'Origny, pour mieux relever la conduite héroïque et la fin glorieuse de son ami. Puis il passa cette heure de la nuit où le lieutenant Julien était venu le chercher à la hâte de la part de Robert. Il décrivit à la jeune femme qui l'écoutait, l'œil fixe et avide, son entrée dans la grande hutte enveloppée de neige et la scène funèbre qui l'y attendait. Quelquefois il s'interrompait pour affermir sa voix qui se troublait. Quelquefois aussi il essayait d'abréger son récit pour épargner à la jeune veuve des émotions inutiles. Mais elle insistait d'un mot bref et impérieux pour qu'il ne lui laissât ignorer aucun détail de cette nuit douloureuse. Il arriva enfin aux recommandations suprêmes que Robert lui avait adressées, le chargeant avant tout de remettre à celle qu'il avait tant aimée quelques souvenirs de sa dernière pensée. Monsieur de Frémeuse, à ce moment, alla prendre sur une table un coffret d'ébène qu'il y avait déposé en entrant et le mit dans les mains de la veuve. Madame de la Pave hésita pendant quelques secondes, puis elle ouvrit le coffret. Elle eut alors sous les yeux les tristes reliques du mort, sa montre, sa croix, quelques objets familiers, une boucle de cheveux noirs, un bout de linge taché de sang. La jeune femme, impassible jusque-là, dit à demi-voix « Pauvre ami, pauvre garçon !» En même temps, elle éclata en violents sanglots, s'accouda, les deux bras sur le guéridon, et pleura convulsivement, ses larmes filtrant comme une source à travers les doigts de ses blanches mains. Monsieur de Frémeuse la contemplait d'un regard humide. Au milieu de son trouble sympathique, il ressentait un étrange tourment d'esprit. Il n'avait pas terminé son message, il n'en avait accompli que la partie la moins difficile. Et comment dire à cette veuve en pleurs ce qu'il avait encore à lui dire? Si cette jeune femme, si adorée et si généreusement traitée, lui avait laissé voir en cet instant l'ombre de légèreté et d'indifférence à l'égard du mort, il eût trouvé une sorte de satisfaction à lui infliger comme un châtiment et une expiation l'ordre suprême de son mari. Mais devant cette explosion de douleur, devant ce deuil sincère et cette piété fidèle du souvenir, comment lui signifier tout à coup une injonction qui, sous sa forme la plus adoucie, lui paraîtrait encore la plus imméritée des injures? N'était-ce pas risqué de refroidir, sinon d'éteindre à jamais, les sentiments mêmes que son mari avait eu tant à cœur d'éterniser? De ces rapides réflexions, Maurice conclua par lui, non sans grande apparence de raison, qu'il était à la fois sage et bienséant d'ajourner à une autre entrevue la partie la plus délicate de sa mission et de laisser respirer Madame de la Pave. Dès qu'il la vit un peu remise, il se leva et prit respectueusement congé. « Merci, monsieur, » dit-elle brièvement en lui serrant la main. « Revenez, n'est-ce pas ?» Et il se retira.